Te souvient-il du paysage où nous eûmes les yeux blessés par la douceur du seul rivage qui dans notre âme sut passer? Le fleuve allait d'un tel délire lorsque la brume du matin nous fit rouler sous un empire de pièces d'or au bord du Rhin, que nous restâmes sans comprendre par quel miracle ce jour-là quelque chose sans se défendre que le soleil nous révéla mourait en nous, que nous vécûmes au plus profond de la raison, quand tout le ciel n'était que plume d'aurore blanche à l'horizon.